Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Wagner, le compositeur révolutionnaire. Quand on a décidé d'écouter un Wagner, il faut avoir une très grande sensualité. Parce que l'amour, dans l'extrême presque, joue au fond le plus grand rôle chez Wagner. Le chef d'orchestre allemand Franz Paul Decker résume en quelques mots dans cette entrevue qu'il accorde en 1970 la musique de Wagner et l'état d'esprit dans lequel nous plonge cette musique. Wagner, qui est à la fois compositeur de génie et révolutionnaire, il va participer à l'insurrection de Dresde en mai 1849. Wagner nous laisse 10 opéras, dont sa fameuse tétralogie qui compte 4 opéras, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. La tétralogie de Wagner, c'est 15 heures de musique, 34 personnages étalés sur 3 générations et 125 musiciens. Et l'esprit révolutionnaire de Wagner, c'est peut-être justement d'abord et avant tout dans sa tétralogie qu'on le retrouve. C'est vrai que, si vous voulez, c'est une musique qui est tellement exceptionnelle que elle pourrait se suffire à elle-même. D'ailleurs, on en fait l'expérience continuellement au disque ou aujourd'hui à la radio. Mais il ne faut jamais oublier tout de même, même si Wagner n'était pas un très très grand poète, mais c'était quelqu'un qui avait un sens dramatique extraordinaire et qui a véritablement écrit sa musique en fonction de ce qui était à raconter et de ce qui était à montrer sur la scène, et que la compréhension complète qu'on peut avoir d'une œuvre de Wagner n'est jamais si totale que si effectivement on assiste à une représentation et qu'on est confronté, dans le meilleur des cas, à la fois à l'excellence d'une interprétation et à la qualité d'une mise en scène et de toute la représentation visuelle qui accompagne cette musique. Sur la chevauchée des Valkyries, vous entendiez le musicologue Jean-Jacques Nattier à l'émission Musique en fête en 1992 pour nous présenter Wagner, sa musique, mais ses idées aussi, ses idées révolutionnaires. Je reçois Pierre Vachon, qui est musicologue et directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal. Pierre Vachon, bonjour. Bonjour. Je le disais, Pierre Vachon, Wagner, c'est à la fois un compositeur de génie, mais aussi politiquement un révolutionnaire. Il va à Dresde participer activement à un soulèvement. Comment ces deux facettes se rejoignent? Où se rejoignent-elles? Où est-ce qu'on peut entendre cet esprit révolutionnaire dans la musique de Wagner? Tout est révolution dans sa musique. C'est quelqu'un qui pose les bases du 20e siècle, mais c'est quelqu'un qui va justement réformer la façon de faire de l'opéra, la façon de traiter l'orchestre et tout. Quand Wagner arrive sur la plaque musicale et artistique du 19e siècle, l'opéra est conçu comme un art de divertissement. Alors donc, on cherche des beaux airs, on cherche des ensembles, il y a quelque chose de très, très, très fixe, très structuré dans la façon de concevoir l'opéra. Et Wagner décide de secouer tout ça et de défaire tout ça pour vraiment rentrer dans une autre façon, une autre conception de l'opéra. Et c'est comme ça que commence cette révolution musicale à tout point de vue, du point de vue de la musique, donc bien sûr, du point de vue de l'histoire, du point de vue du message qui est livré dans l'histoire, du point de vue des chanteurs, du point de vue de la façon de l'écrin qu'il va confectionner pour présenter ses opéras. Ouais. Alors, quand on pense à Wagner, tout est révolutionnaire à tout point de vue. Ouais. Et c'est ce qui fait que Wagner est parfois difficile d'abord. Ouais. Et qu'il fait peur. La révolution peut faire peur. Alors, en tout cas, la musique, la révolution de Wagner, ouais, fait peur. Peut-être qu'on le connaît mal. Parlez-moi un peu de cette impression qu'on a. Pourquoi cette musique-là? Jean-Jacques Nattier parlait, c'est une musique qui est dramatique. Pourquoi a-t-on, en tout cas souvent, si peur de cette musique de Wagner? D'abord, c'est gros comme musique. Ouais. Hein? C'est un orchestre, vous l'avez dit, c'est 125 musiciens, c'est énorme. Donc, ce sont des effectifs qui sont assez bruyants. À l'époque, on disait que la musique de Wagner, c'était tellement bruyant. Alors donc, ça c'est dur pour les oreilles, ouais, et tout. On a l'impression que les gens gueulent constamment. Et aussi que la façon de on conçoit donc le chant, on veut des mélodies. Et là, il n'y a plus de mélodie, la voix est secondaire. Et ce sont des opéras et ça se passe à orchestre. Alors voyez un peu l'espèce de dichotomie qu'il y a, de contradiction qu'il y a entre la conception même de cet art-là et tout ça. Alors donc c'est gros, et aussi c'est un art, c'est l'art du message, c'est l'art de philosopher en musique. Mm-hmm. Alors si vous voulez de la musique pour du divertissement et vous détendre à la fin de la journée, c'est pas nécessairement la bonne place pour aller, parce qu'il y a tellement de messages, tellement de liens, il y a tout un réseau aussi de connotations, de motifs musicaux. Alors c'est très complexe, ouais. C'est très dense comme matière. Alors il faut être disposé pour pouvoir rentrer dans cette matière. Mm-hmm. Et c'est drôle parce qu'il y a toute une partie de... moi, comme musicologue aussi, ça m'a fait longtemps peur, Wagner. Ouais. On entend les Valkyries, une musique, j'allais dire une musique de guerre, mais en tout cas une charge très forte. Oui. Mais c'est pas que ça. En fait. Ce n'est pas que ça, effectivement. Il y a beaucoup de subtilité. De sensualité, La sensualité, justement. À la fois dans le sujet, parce que oui, c'est vrai que l'amour est le thème principal et central chez Wagner dans les opéras. Donc, la rédemption par l'amour, cette utopie que l'amour peut sauver le monde. Donc ça, c'est déjà une idée assez révolutionnaire aussi à cette époque-là. Mais aussi la musique, la sensualité de la musique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait exactement comment orchestrer. Alors, il disait dans tel passage, ça me prend 3 quarts et non pas 6, ça me prend 3 trombones et non pas 4, ouais. etc. Donc, parce qu'il jouait avec la sonorité et cet aspect sonore, et c'est en cela aussi qui est très romantique, c'est-à-dire que les romantiques sont très préoccupés et obsédés par le son. Ouais. Et que le son puisse procurer une expérience artistique, une expérience de transcendance, d'élévation, de réflexion. Et donc, on s'assoit et on reçoit ces masses sonores, ces ondes de son, à la fois par les chanteurs et l'orchestre, et on est pris dans une espèce de maelstrom assez particulier qui participe de cette expérience particulière que Wagner propose. Alors, parlons un peu d'où il vient, Wagner, de ses origines. Il naît à Leipzig en 1813. À quel milieu il appartient? Quel genre de jeunesse il va avoir? Oui, en fait, une jeunesse, c'est une vie de misère. Ah oui? Oui. C'est quelqu'un qui vient de milieu petit bourgeois et tout, vient de gens, en fait, de milieu où on est sensible quand même à l'art, mais il perd son père dès la première année. Sa mère va se remarier avec un artiste, et donc c'est comme ça qu'il est initié quand même au théâtre et à la littérature. Or, sa première passion, c'est la littérature, ensuite vient le théâtre, et la musique vient beaucoup plus tardivement. Ah bon? Vers l'âge de 15 ans, il va commencer à apprendre la musique. C'est essentiellement un autodidacte qui se met à apprendre tardivement la musique. Et là, tout d'un coup, il se met à diriger. Donc, il va être compositeur, mais surtout chef d'orchestre au départ. Et c'est comme ça qu'il va se faire connaître, à diriger dans différentes villes et tout. Il va être chef de chœur. Son frère dirige dans une maison à Würzburg. Et donc, il va découvrir le théâtre. Et le théâtre, mais le théâtre musical, va devenir une sorte d'obsession. Il va allier donc la musique et le théâtre. C'est de ses passions, en fait. Mais c'est comme chef d'orchestre d'abord qu'il est connu. Et ensuite, il se met à réfléchir, à écrire des opéras. Et à faire un peu comme le monde lyrique était à ce moment-là, c'est-à-dire des opéras de divertissement et tout, dans ses œuvres de jeunesse. Ouais. Et ensuite, il est fortement influencé aussi par un compositeur, Weber, qui est un peu le père de l'opéra allemand. Et donc, Weber, c'est plus dans la veine du légendaire, du fantastique, etc., les personnages surnaturels. Et là, ça l'intéresse énormément de plonger dans cet univers-là. Et c'est comme ça qu'il va arriver à créer donc quelques œuvres. Et il y avait une mode à cette époque-là, quand Wagner est sur la scène. Donc, dans la jeune vingtaine, il est chef d'orchestre, il commence à écrire et c'est un personnage assez particulier, assez mégalomane, très, très, très conscient de son intelligence et de son génie aussi. Mm-hmm. Alors donc, parce que pour devenir un des grands chefs d'orchestre, quand même, pour quelqu'un qui est presque autodidacte, ça démontre quand même son talent. Là. Et donc, c'est comme ça qu'il va parvenir à écrire un premier opéra, en fait, un opéra qui va marquer les annales, qui s'appelle Rienzi, qui est une sorte de grande fresque. Et puis, il y aura... Parce que autour de... Début des années 40, donc, il écrit Rienzi en octobre 1842 et en janvier 1843, tout de suite après, autre grand coup. Puis c'est ce qui lance sa carrière, ces deux opéras, Rienzi d'abord et Le vaisseau fantôme. Mein Schiff ist zum Klippengrund, doch auch mein Grab schloss ich nicht. Donc, un extrait du Vaisseau fantôme. Ces deux opéras, Pierre Vachon, Rienzi, créé à Dresde en 1842 et à Dresde toujours en janvier 1843, Le Vaisseau fantôme, c'est vraiment le coup d'envoi, là, oui. L'explosion, c'est là qu'elle se produit. Exactement, et en plus que c'est des opéras qui triomphent. Les gens découvrent Wagner, le compositeur. Rienzi, c'est une œuvre qui est monumentale. Ça fait 6 heures de musique dans la version originelle et avec des chanteurs, etc. Tout à fait dans la mouture de l'opéra qui était à la mode à ce moment-là, qui est le grand opéra. Mmh. Le grand opéra qui triomphe à Paris. Et donc, Wagner voulait participer à ça, voulait se faire connaître. Alors, il écrit Rienzi. Donc, ce sont de grandes fresques, beaucoup de personnages, etc. Et ensuite va arriver le Vaisseau fantôme. Et le Vaisseau fantôme, c'est issu, en fait, de sa vie, c'est presque biographique ou autobiographique, parce que Wagner a eu une vie de misère. Et donc, il est passé de ville en ville parce qu'il a fui les créanciers qui lui réclamaient son argent. Alors, à un moment donné, plutôt que de payer, il quittait, il s'en allait ailleurs. Ouais. Il s'en va à Riga. De Riga, il s'en veut aller à Paris, etc. Et là, dans la traversée de Riga jusqu'à Paris, en passant par Londres, eh bien, il y a une tempête en mer. Et c'est comme ça que cette histoire du vaisseau fantôme et aussi que les thèmes inhérents à ce vaisseau fantôme, donc l'errance de l'homme, la solitude de l'homme, la rédemption aussi par l'amour, tout ça se dessine et tout ça le captive et ça devient donc une œuvre qui marque les annales et qui le propulse et qui, en fait, qui propulse l'opéra wagnérien. Ouais. C'est-à-dire que tous ces grands thèmes romantiques aussi, donc, ouais, qui sont à la fois idéologiques, à la fois philosophiques aussi, et donc ça le propulse. Et là, à ce moment-là, il est lancé et c'est la course qu'il va suivre après, c'est-à-dire des opéras qui sont très, très riches du point de vue du contenu, et aussi la révolution s'installe avec le Vaisseau fantôme, ouais, parce que l'orchestre, c'est un orchestre comme un orchestre symphonique, mm-hmm, ce qui était différent de l'époque, qui était un orchestre qui accompagnait, puis on avait le Om Papa à la Verdi. Alors donc là, c'était complètement différent. Ensuite, d'un seul tenant, alors pendant, on s'assoit, et pendant 2h30 de temps, ça s'arrête pas, donc ça c'était tout à fait nouveau aussi. Ouais. Alors il installe, il pose les bases de cette révolution lyrique qu'il va faire. Ouais. C'est ça qui est intéressant, on y revient, Wagner révolutionnaire de deux manières dans sa musique, vous venez de nous en donner un aperçu encore, et puis le révolutionnaire politiquement, et c'est dans les, ouais, mêmes années là. Oui, tout à fait. Dans les années 40, 1840, qu'il commence à développer ses idées révolutionnaires, ça se fait beaucoup par des rencontres. Comment il glisse, entre guillemets, vers ce côté plus révolutionnaire politiquement? Mais en fait, c'est que d'abord, c'est l'éveil des nations aussi dans les années 1840 qui vont mener à ces révolutions de 1848-49. Et il se lie d'amitié avec Bakounine, qui est lui-même un anarchiste révolutionnaire russe et qui prône la liberté. Il trouvait aussi, il voulait donner à l'Allemagne un art. Il trouvait que l'Allemagne n'avait pas un art lyrique, mais un art tout court, qui, ouais, soit universel et qui soit digne de la réputation de l'art italien, de l'art français ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'il a voulu donc imposer ça, et c'était en passant par cette espèce de déloge de l'art allemand, de la nation allemande, et c'est comme ça que ces idées révolutionnaires s'installent, ces rencontres s'installent aussi, qu'il va participer aussi à l'insurrection, qu'il va être sur les barricades. Il va être sur les barricades et tout, il va parler, c'est-à-dire qu'il va participer concrètement, là, en étant sur les barricades. Ouais. Et à ce moment-là, on va le rechercher parce qu'il fait partie des révolutionnaires, ouais, qui justement bousignent un peu là, tout ce qui se passe du point de vue social. C'est quelqu'un aussi qui croyait au mouvement artistique de la jeune Allemagne, qui sont des artistes, des littéraires, qui vont écrire des textes, qui vont révolutionner les choses, qui vont parler de liberté, ouais, qui vont parler de volupté, de beauté, etc., qui vont vouloir jeter par terre les questions de moralité, etc., qui étaient là sur la scène allemande. Alors, tout ça s'installe, donc cet esprit de révolution, ouais, et concrètement, donc en participant physiquement à cette révolution, et ensuite donc, il doit s'exiler parce, mm-hmm, qu'on le recherche. Alors il s'exile pendant une dizaine d'années en Suisse, et c'est là qu'il va commencer à mettre en forme ses idées, c'est-à-dire à écrire ses textes. L'art et la révolution, l'opéra de l'avenir, etc. Pour dire quoi, Pierre Vachon? Pour transmettre ses idées sur l'art, sur ce que doit être, ouais, l'art. Il est très critique de l'art. Résumé, il trouve que ce qui se fait autour, c'est de l'art commercial. C'est un art de philistin. Ouais. Tout simplement, quand il écrit dans la Gazette musicale, c'est ça, ce sont des philistins de la musique, c'est de l'art du divertissement, ce n'est pas ça la vraie chose. La vraie chose, c'est un art de message. Et donc, cette idée du drame, et comment le drame est porteur d'idées, et est un véhicule d'idées, une sorte d'art de propagande, en quelque sorte, de ces idées révolutionnaires et de liberté, eh bien, c'est comme ça que l'opéra va être utilisé par Wagner. Et c'est dans ces textes-là, d'abord, qu'il conçoit l'idée de l'art total. C'est très sartien avant l'heure. il faut, ouais. Sartre qui disait en gros, c'est un privilège que d'écrire, il faut pas faire que je lis, il faut écrire pour dire quelque ouais. chose. C'est ça que Wagner veut faire avec la musique aussi. Ouais. Mais c'est-à-dire que dans, entre autres dans ses textes, c'est qu'il va poser les bases de ce que devrait être l'opéra. Comment on devrait articuler ouais. l'opéra, donc cette idée du flot continu, de la mélodie infinie, cette idée, enfin, musicalement, comment il faut écrire tout ça, et au-delà aussi, bien sûr, des messages et tout, mais c'est que tout ça, donc, s'enchevêtre, et c'est comme ça qu'il cristallise ses idées sur ça, ses idées de révolution aussi, et comment qu'est-ce que la liberté ouais. Qu'est-ce que le monde? C'est quoi cette utopie aussi de l'amour? Vous parliez de l'importance de l'amour, du triomphe de l'amour chez Wagner, Pierre Vachon. Quel bel exemple. L'opéra Tristan et Isolde, qu'il écrit en 1857. Il se met à l'écriture de Tristan et Isolde, ça va prendre un petit bout de temps, mais on est là-dedans. Parlez-nous un peu de ça. La création de cet opéra-là, c'est le reflet de l'état amoureux de Wagner. Ben, c'est le paroxysme de l'amour, en fait. Jamais. Ce que l'expérience de l'amour peut créer à un point tel qu'on en meurt. Donc, mourir d'amour, mais aussi toute la sensualité, l'expérience donc sensuelle et sensorielle de l'amour, comment la musique aussi, donc la musique est infinie à ce moment-là, et ça on entendait le Liebestod, donc la mort d'amour à la toute fin, ça c'est le point culminant au bout ouais. de 5 heures, on finit avec cette musique absolument sublime. On parlait de musique sensuelle, voici une musique sensuelle, ouais. justement, non pas juste par le thème mais par la musique elle-même, l'orchestration, les violons, etc., et comment cette musique devient si caressante et donc nous enveloppe et nous aspire carrément dans une expérience très particulière. Ouais. Alors donc, quand il écrit ça, entre autres, il tombe amoureux de Mathilde Wezendonck, qui est mariée à un riche commerçant qui s'appelle Otto Wezendonck, qui lui offre une maison parce qu'il était en exil, en Suisse, notamment pas loin de Lucerne, et dans sa maison qui s'appelle Tribschen. Et ce qui fait qu'il vit là, et là il tombe amoureux de Mathilde Wezendonck, et c'est comme ça qu'il va commencer à écrire autour d'elle, c'est-à-dire qu'il va, comme sa vie est faite de relations amoureuses, c'est quelqu'un qui était, c'est un homme aux femmes, Wagner. Ouais. Alors, ce qui fait que donc, il est imprégné de cet amour, et puis il va même écrire des pièces autour sur des textes de Mathilde Wezendonck pour la voir. Mais c'est comme ça que la musique qu'il écrit sur les textes de Mathilde Wezendonck, c'est le germe de cet opéra, c'est les thèmes qui vont se retrouver dans Tristan et Isolde. Et Tristan et Isolde devient aussi, symboliquement et dans l'histoire de la musique, donc la pierre angulaire, l'ouverture, la première pierre de la modernité musicale. Ouais. Parce que cette musique commence et ne finit pas pendant 5 heures à peu près, en termes de tonalité, ouais. de résolution, comme on parle en termes musicaux. Et ce qui fait qu'on a l'impression que c'est infini et que c'est éternel, et la musique est comme ça. Ouais. Et ça, c'était une révolution en soi, de faire que la musique n'est plus seulement belle, mais elle est bonne parce qu'elle traduit justement l'intimité de l'être humain. Un petit mot sur une autre rencontre, pas amoureuse celle-là, qu'il va faire, mais qui va être déterminante pour lui. Sa rencontre avec le roi Louis II de Bavière ouais. en 1864, ça change tout dans cette vie. Ça change tout, effectivement, parce que jusqu'à Louis II de Bavière, c'est une vie de misère. Et donc, de pauvreté, etc. C'est quelqu'un qui avait des goûts de luxe, Richard Wagner. Et tout d'un coup, il est criblé de dettes. Et tout d'un coup, il rencontre Louis II de Bavière, qui est de 20 ans à peu près son cadet, et qui tombe follement amoureux de la musique de Wagner, mais aussi de l'homme et de ses idées. Et donc, Louis II va tout faire pour éponger les dettes de Wagner et va tout faire pour lui procurer les conditions financières et les conditions matérielles, donc pour que Wagner puisse se concentrer sur l'écriture, sur la composition. Wagner va aller à son château de Neuschwanstein et même le château est fait, il y a des pièces. Moi, je suis allé récemment, il y a des pièces, justement, où on voit les personnages de Wagner, où il y a une grotte qui reproduit un passage de Lohengrin, etc. Tout l'univers du roi Louis II de Bavière, qui est un univers assez fou quand même, est un univers qui est wagnérien, avec les personnages, avec la musique de Wagner et l'intimité aussi. Et on pense et on sait maintenant que Louis II de Bavière était amoureux de Wagner. Ah bon? Et qu'il y a peut-être une relation réciproque aussi. Thank you. Terminons cette émission, Pierre Vachon, en s'attaquant à cette célèbre, cette immense, cette gigantesque, cette monumentale tétralogie de Wagner. De quoi on parle? Je donnais quelques chiffres au début de l'émission, mais c'est vraiment monumental. C'est monumental, oui, parce que c'est l'histoire du monde qui est résumée en 15 heures de musique. Et c'est aussi toute une réflexion sur le 19e siècle. Ce qui est étonnant dans cette fresque, qui est considérée comme la plus grande œuvre d'art occidental, beaucoup se disent que Wagner, c'est un poison contre lequel il n'y a aucun antidote. Et quand on écoute cette musique, ça, c'est les adieux de votants qu'on vient d'entendre. C'est exactement ça. On y prie, puis à un moment donné, on se guérit plus. On plonge là-dedans. Mais c'est que ce qui est étonnant et ce qui en fait la monumentalité de cette œuvre, c'est le fait que Wagner s'inspire de légendes du Moyen-Âge, légendes germaniques, scandinaves ou quoi que ce soit, et même islandaises. Et donc, il prend des légendes du passé pour parler du présent de l'Allemagne, un présent révolutionnaire avec les gens, les Bakounine, etc. Les révolutions dans la pensée même du 19e siècle et que ça préfigure de ce qui se passe encore aujourd'hui parce que cette œuvre parle de quoi essentiellement? Du pouvoir. Et donc, de l'appât de cette obsession du pouvoir, donc la possession d'un anneau, de guerre de clans, deux clans qui s'opposent, les dieux et le roi d'un royaume des nains, etc. Mais essentiellement, c'est l'histoire du monde qui est racontée en 15 heures et comment ce monde, c'est encore la même chose. Et en plus, comment ça va se terminer? Ben, c'est l'utopie de l'amour. Est-ce que ce monde dans lequel on vit encore aujourd'hui, en 2019, est un monde qui peut être sauvé par l'amour? Et c'est la grande question que pose la tétralogie pendant les 15 heures avec tous ces personnages qui s'enchevêtrent, qui vont et qui viennent à travers les différentes générations, à travers différents types de personnages, des dieux aux terriens, aux géants ou quoi que ce soit. Alors donc, c'est assez particulier de voir ça et c'est une œuvre qui, on y revient constamment à cette œuvre avec les relectures parce qu'elle est inépuisable. Et j'imagine que, de par l'ampleur de l'œuvre, dans le monde de l'opéra, à chaque fois qu'est présentée la tétralogie, c'est un événement. C'est un événement, effectivement. Et on se demande comment on va lire cette œuvre-là. Et encore aujourd'hui, Wagner provoque toutes sortes de lectures. C'est encore actuel, mais c'est encore aussi déstabilisant parce que de se faire raconter un peu cette histoire, notre histoire, est-ce qu'on a envie de réfléchir aussi profondément que Wagner l'a fait au sens de la vie, au sens de l'humanité? Je sais pas. Pierre Vachon, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Pierre Vachon, directeur communication, communauté et éducation à l'Opéra de Montréal, musicologue évidemment également. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.